Alors, François Mauriac, Thérèse chez le docteur. Alors, le titre est assez amusant, hein. Thérèse chez le docteur. C'est une nouvelle, pas très longue. Une trentaine de... même pas. Que j'ai lu. Une vingtaine de pages. Bon, c'est pas très long. Alors c'est intéressant parce que c'est une suite à Thérèse d'Esquerou et La fin de la nuit. Alors Thérèse d'Esquerou, c'est le chef-d'œuvre de Mauriac. La fin de la nuit, c'est une suite qu'il a écrite plus de 10 ans après. Or, la fin de la nuit, c'est la fin, les derniers jours de la vie de Thérèse d'Esquerou. Donc, on a son mariage, c'est le crime, etc. Bon, voilà. Et puis, on avait dans la fin de la nuit, on avait la fin de sa vie, hein, la nuit. Mais Mauriac décide que, tiens, parce que finalement, ça le poursuit, hein. Déjà la fin de la nuit, il l'a écrit longtemps après. Ses idées avaient un peu changé. Il avait envie de dire des choses sur quelqu'un, lui-même ayant changé. Il voulait dire des choses. Là, il poursuit le travail. Alors je sais pas combien de temps après la fin de la nuit, mais effectivement, il y a un énorme trou entre le moment où, la fin de Thérèse d'Esquerou, quoi, où elle retrouve sa liberté, et la fin de la nuit, où vraiment tout est à la fin de sa vie. Bon. Il y avait un énorme trou. Et là, il veut pas le combler, loin de là, mais enfin, en tout cas, donner deux bribes de sa vie. Alors, l'avant-propos, je vais dire avant-propos parce qu'il est intéressant. Plusieurs qui n'ont pas oublié Thérèse d'Esquerou m'interrogent souvent sur sa vie, depuis la seconde où je l'abandonne au seuil d'un restaurant de la rue Royale jusqu'à sa dernière maladie dans La fin de la nuit. Un chapitre de ce qui était perdu nous permet de l'entrevoir une nuit sur un banc des Champs-Élysées, puis nous perdons sa trace. Les nouvelles Thérèse chez le docteur et Thérèse à l'hôtel, écrites en 1933, représentent deux tentatives de plonger dans les périodes obscures de ce destin. Bon, ben, en lisant ça, je me rends compte que ce qui était perdu, qui n'est pas écrit en italique comme tout le reste, sauf fin de la nuit, Thérèse à l'hôtel, Thérèse chez le docteur. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui aurait été écrit entre la fin de la nuit et Thérèse chez le docteur. Il faut que je recherche ce qui était perdu. Bon, ici, je vais parler uniquement de Thérèse chez le docteur. Ouais, alors 20 pages, est-ce que ça mérite? Au début, j'hésitais, hein. Maintenant, j'hésite beaucoup moins. Pourquoi? Parce que, quand même, c'est assez grandiose, hein. Vraiment, Mauriac, il est... là, il est magique, hein. Il est magique parce que... il dit des choses, quand même. C'est écrit en 1933. Et il va mettre en scène Thérèse d'Esquerou, qui demande à voir en urgence un psychiatre. Psychiatre qu'elle aurait rencontré dans les boîtes de l'époque, hein. Boîte parisienne. Bon. Je suis partagé, là. Parce que Mauriac, bon, chrétien, d'après ce que j'ai bien compris maintenant, catholique, très bien. Eh ben, n'empêche que... parce que non, mais on parle beaucoup de... hein, de Hergé, de qui d'autre? De Céline. Louis-Ferdinand Céline. De tous ces antisémites. Mais Mauriac, jamais, hein. Non. C'est, disons pas ouvertement. Mais enfin... le psychiatre... hein, le psychiatre, c'est un juif. Et certes, il y a toujours un... Comment dirais-je? Une indirection. C'est-à-dire que ce psychiatre n'est pas marié à une juive. C'est un mariage un petit peu contre nature, entre guillemets, puisque c'est pas... C'était quelqu'un d'un autre milieu. Bon, c'était pas une bonne alliance, quoi. Il faut que je retrouve le terme. Voilà, alors son... Oui, alors effectivement, le terme est quand même un petit peu... Le fameux psychiatre... Alors psychiatre, il n'est pas dit psychanalyste. Parce que j'avais parlé du rapport de Mauriac à l'inconscient dans Thérèse d'Esquerou. C'est vrai que c'est quelque chose qui parle à Mauriac. C'est ces âmes cachées. Et là, donc, le psychiatre, qui va être un des héros de cette nouvelle, on parle de lui. C'est un psychiatre qui essaye d'écrire un livre qui s'appelle, c'est assez drôle, L'étude sur la sexualité de Blaise Pascal. Un grand psychiatre. Voilà, qui se piquait d'écrire en marge de l'histoire littéraire. Écrire en marge de l'histoire littéraire. On sent que là, il faudrait savoir ce que Mauriac avait en tête, hein, quand il écrivait ça. Je pense qu'il avait une idée assez précise de... Il avait une cible. Je pense qu'il avait une cible, un avis sur une forme d'écriture ou... Bon, est-ce que les médecins, est-ce que les docteurs, est-ce que les psychiatres, est-ce que précisément il avait quelque chose? Je sais pas. Bon, en attendant, le Azevedo dans Thérèse d'Esquerou, je me demande si c'était pas... Oui, il était juif, je crois, et il en parlait, hein, c'était important. Hein. C'était important. Bon, on avait l'impression qu'il n'y avait rien de particulier, par contre. Si ce n'est que le personnage n'était pas spécialement sympathique. Bon. Enfin, d'un autre côté, il faut reconnaître que dans Thérèse d'Esquerou, aucun personnage n'est sympathique. Aucun. Enfin, si, Thérèse un peu, mais... En tout cas, dans Thérèse d'Esquerou. Dans La fin de la nuit, déjà moins, mais enfin... Bref. Et là, donc, le médecin, Élisée, un beau, hein, est marié à une certaine Catherine... Donc elle avait épousé cet homme. Alors c'est en épousant à la veille de la guerre ce jeune docteur alsacien, matiné de juif, Catherine de Borèche, n'avait pas cédé seulement au prestige d'une intelligence qui lui apparaissait alors sans défaut, ni même au charme physique de cet homme, à cette puissance de domination dont aujourd'hui encore il accablait d'innombrables malades. Non, entre 1910 et 1913, la fille du baron de Borèche avait réagi avec violence contre sa famille. Voilà. Et ça c'est encore un thème, hein, que Mauriac apprécie beaucoup. Il était féministe à sa façon. Vraiment, ça, j'en ai... Parce que quand même, Thérèse d'Esquerou, c'est quand même la femme qui est assujettie à l'homme et qui ne peut pas le supporter. Et le point commun entre Catherine et Thérèse, c'est quand même qu'elles ont fait des études. Plus, bien plus que ce qu'on attend des femmes de leur milieu. Enfin, de tous les milieux, mais en l'occurrence, même dans ces milieux bourgeois, on attend des femmes. C'est la honte pour une femme de faire des études. Une femme qui pense, c'est un peu. Ça éveille le soupçon. Hein, c'est pas très sain, c'est. Bon. Voilà, donc cet homme, voilà, c'est pour ça que je me demande quand même s'il n'y a pas des relents, des petits relents d'antisémitisme, parce que bon. Et puis toujours cette figure du juif séduisant, alors que c'est un être au fond pas très moral, plutôt mauvais, et qui séduit par la finesse. par l'apparente intelligence qui séduit des femmes intelligentes, elles, vraiment. C'est ça un peu ce qui est sous-entendu, hein. Ouais. Il y a un parallèle entre Catherine et Thérèse, c'est vrai. Bon, bref, donc il présente une histoire comme ça, c'est assez impressionnant, hein. Alors il montre que donc le mari de Catherine, hein, Élisée, qu'elle appelle Élie, c'est quelqu'un de mauvais, hein. Il est méchant avec elle, il passe son temps à l'humilier, de préférence devant témoins. Bon, c'est pas quelqu'un de bien, manifestement, c'est un peu le ponte qui se permet tout, quoi, hein, parce qu'il a réussi, bon, il se permet tout. Enfin, même s'il n'avait pas réussi, peut-être, mais en tout cas. Voilà. Donc, erreur de la part de Catherine sur ce mariage, comme Thérèse, finalement, une fois de plus. Bon, pour des raisons différentes, hein. Thérèse, elle n'avait pas trop pensé, elle voulait s'établir, c'était naturel, le patrimoine à mettre en commun avec plein de pinces, elle excitait, etc. Catherine, c'est pas du tout ça, c'est échapper à sa famille, et puis la beauté, l'intelligence. Mais la cruauté, eh oui, donc son homme, elle l'aime pas. Enfin, elle l'aime pas. Elle en souffre. Ça n'est pas la même chose. A priori, elle l'aime. C'est important, ça. On y reviendra après. Enfin, bref, j'ai pas parlé une heure sur un livre de 20 pages, quand même. Hein. C'est un peu... Mais enfin, bon... Thérèse veut le voir. Et à 11h du soir, il y a encore la secrétaire. Bon, je vais passer sur le personnage de la secrétaire, parce qu'il est pas... Il n'apporte pas, je pense, à l'intelligibilité du livre. Même si ça ajoute au malheur de Catherine... Alors, donc c'est Thérèse qui appelle la secrétaire pour avoir un rendez-vous en urgence. Mais il est 11h du soir. Et lui, il accepte de la recevoir. Parce qu'il avait promis qu'il la recevrait n'importe quel jour, n'importe quelle heure, si elle le demandait. Or, il avait parlé de cette femme à sa femme, à Catherine, quand il l'avait rencontrée. Il avait parlé d'un front beau, un front magnifique, quoi. Bon. Bref, il lui avait fait de l'effet. Elle lui avait fait de l'effet comme elle a toujours fait. Hein. Elle a un charme, a priori, Thérèse, sans être très belle, loin de là. Elle dégage quelque chose, elle a un charisme, et puis sans doute aussi une intelligence, voilà, qui font qu'elle séduit les hommes. Enfin, ces hommes-là, en tout cas. Donc, très bien. Alors il la reçoit, sauf que je sais pas bien pourquoi j'ai oublié, mais ce qui est une honte quand ça fait 20 pages, mais sa femme a peur pour lui. C'est une folle, elle pourrait. Pourtant elle connaît pas l'histoire de Thérèse, je crois pas. Mais en tout cas, elle a peur pour son mari. Puis lui il fait son bravache, et puis surtout il est excité, je pense, à l'idée de la recevoir. Donc non, moi je vais la recevoir, ta. Elle veut l'empêcher, mais lui, bien sûr, il refuse catégoriquement d'écouter sa femme. Et il est très dur. Il est vraiment pas sympathique, cet homme-là, d'ailleurs. Vraiment pas. Et Thérèse finit par arriver. Et sa femme écoute plus ou moins la conversation. Et elle s'en veut beaucoup parce qu'elle sait que c'est un grand crime. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Pour une femme de psychiatre, d'écouter les conversations de son mari... C'est les confidences du patient. Bref, culpabilité. Mais elle peut pas s'en empêcher, elle écoute. Elle se donne vaguement bonne conscience en se disant que son but est de réagir vite si jamais son mari est en danger. Parce que y a pas de doute, il y a un risque avec cette femme, il y a un risque, je ne sais pas pourquoi, elle serait folle, à moitié folle. Bon, très bien. Et dangereuse, folle dangereuse. Voilà. Maintenant, Thérèse arrive. Et elle raconte sa vie. Elle raconte sa vie par bribes. Elle a besoin de parler. Puis lui, bon, il est odieux, je trouve, à sa façon. A priori, ça choque pas trop Thérèse, d'ailleurs. Il appelle ma petite dame. Je crois. Ma petite dame ou... Je crois. En tout cas, pas loin, dans l'esprit, c'est ça. Si ce ne sont pas les mots, c'est l'esprit. Bref, plutôt méprisant. Bon, voilà, il prend un air gentil. Sa femme, d'ailleurs, découvre un homme qui essaye d'être gentil, d'être bon, et qui écoute. Elle est un peu écœurée parce que, décidément, il ne lui montre pas ce visage-là. Et là, elle se dit, il ne garde sa haine que pour moi. Il n'est méchant qu'avec moi. Ses défauts ne sont que pour moi. Voilà. Donc, on ne creuse pas plus loin, mais enfin, voilà, c'est un moment, elle y pense. Alors, ça, c'est le contexte, hein. C'est en peu de pages, comme ça, il arrive à pondre une ambiance où on comprend un peu les enjeux de chacun, c'est impressionnant. Mais alors là, on apprend des choses sur Thérèse, et c'est là que ça devient encore plus passionnant, parce que ça fait écho avec les autres romans. Et notamment, on sait qu'elle a vu Azevedo, le fameux Azevedo de Thérèse d'Escayrou, donc l'homme intelligent qui voulait partir à Paris, qui a aimé, enfin qui a eu une petite relation platonique avec la sœur de son mari, enfin l'ami de Thérèse, j'oublie tous les prénoms. Bref, Marie, je crois qu'elle s'appelait. Oh, je sais plus. Bref, donc Azevedo, qui a eu une sorte de feu platonique entre Thérèse et Azevedo. Donc elle l'a retrouvé à Paris. C'était un peu un vague espoir qu'elle avait quand elle était à deux doigts de la mort dans les Landes avant d'avoir sa liberté. Quand elle a vécu en recluse, prisonnière. Donc elle a retrouvé Azevedo à Paris. Ils ont eu une relation amoureuse. Et a priori, il l'a fait beaucoup souffrir. Mais ça, on s'y attendait, hein, enfin, on s'y attendait. Je vais un peu vite en besogne, mais Azevedo, d'après ce qu'on savait, c'était effectivement quelqu'un qui serait incapable d'aimer et qui n'aurait pas envie de s'attacher à une femme. Enfin, c'est un petit cliché, là, de Mauriac, un petit peu, quand même. Toutes les femmes se ressemblent, tous les hommes se ressemblent. C'est assez intéressant, ça. Ah oui. Alors là, je faisais le parallèle entre Catherine et Thérèse, et on peut faire un parallèle entre... Alors, pas le mari de Thérèse, c'est vrai. Mais un peu, dans sa façon de ne pas dépendre d'une femme. C'est-à-dire qu'il a l'impression que les hommes ne s'attachent pas aux femmes. Pas vraiment. Alors si, dans La fin de la nuit, donc l'amoureux de Thérèse... Bon, ben oui, si, il s'attache à elle, mais finalement, ça ne dure pas. C'est ça le problème, c'est vraiment, ça ne dure pas. Et c'est un peu tout le souci, a priori, de Thérèse. Donc, et puis oui, donc le parallèle que je voulais faire, c'est entre Azevedo et justement l'amoureux de Thérèse dans La fin de la nuit. Encore des hommes qui ont leur passion, plus ou moins intellectuelle, ou la musique. Ce qui revient un peu au même, là, dans l'esprit. Des hommes qui pensent, quoi, qui font des études et tout, qui veulent pas s'encombrer d'une femme. Enfin, il n'y a pas du tout d'équilibre entre l'homme et la femme. Hein. C'est quand même assez... Par contre, la femme, pour exister, oh là là, elle a besoin de son homme. Hein. En cela, je dirais pas qu'il est... Là, effectivement, il n'est pas très progressiste. Hein, mais je crois que c'est pas vraiment... Par réactionnaire, par un aspect réactionnaire, c'est plus, je pense, un constat de l'époque. Les hommes choisissaient leurs femmes, quoi. Voilà, c'était un peu différent quand même. J'ai l'impression. Ces hommes de ce milieu-là, en tout cas. Bref, donc. De même donc le médecin là, le médecin qui met avec Catherine aussi, il a toujours cette femme ou une autre. On se demande même pourquoi ils prennent celle-là, hein, pourquoi ils prennent une femme si on a l'impression qu'ils n'ont besoin de rien, bon, enfin, si ce n'est par mimétisme social, mimétisme culturel, bon. Bref, donc elle raconte sa vie, donc elle parle de Jean Azevedo au psychiatre. Elle explique que ben elle a beaucoup souffert, que à ce moment-là, le psychiatre, je sais pas, lui parle de ses patients rapidement, lui dit que il essaye d'écouter dans les propos des patients ce que justement les patients voudraient cacher. Donc c'est là, oui, c'est psychiatre, psychanalyste, hein, vraiment, c'est puis un juif. Bon, enfin, tout correspond, quoi. Hein, la psychanalyse en 33, c'était sans doute encore plus marqué que maintenant. Donc, il dit qu'il essaye d'écouter ce que justement les gens aimeraient cacher. Et là, discussion, Thérèse lui dit, mais pfff, mon pauvre, si vous, les gens sont tellement doués pour cacher les choses, pour mentir. Vous pouvez pas démêler le vrai du faux. Dans ma correspondance avec Azevedo, quand j'ai rompu avec lui, donc c'est, on sait rien, mais on sait quand même que ils ont une relation, qu'elle en a énormément souffert, parce qu'il a dû être bon, qu'elle a failli se suicider plusieurs fois, et que elle a finalement rompu avec lui. Il lui a renvoyé ses lettres. Elle en a relu une qu'elle avait écrite peu après, juste après avoir été si près de se suicider. Et elle dit au psychiatre, mais non, mais quand je vois la légèreté de cette lettre, parce que je voulais cacher, mais je voulais feindre la désinvolture, je voulais le rendre jaloux, je voulais cacher ma souffrance pour ne pas éveiller la pitié, pour ne pas la pitoyer. Et je vois, mais toutes mes lettres sont comme ça, elles sont fausses de A à Z, etc. Bon. Ok, donc voilà, c'est ce qu'elle répond, très bien. Et puis après, elle parle d'un autre homme, Philly. Philly. Voilà, bon, elle était éloignée de lui, il l'aimait plus, il faisait plus attention à elle, et puis finalement, il s'est mis à correspondre de plus en plus avec elle. Il voulait son bonheur, il s'intéressait à elle, etc. Et il lui tardait de le revoir, bon, de la revoir. Finalement, il se revoit. Il se retrouve, c'est un peu le bonheur, mais la souffrance, parce que très vite dans la conversation, alors il lui parle de ses, je sais pas, de ses pains, comment vont les pains, les revenus, parce que ce sont les revenus de Thérèse. Puis Thérèse qui rigole, qui dit, bah, falloir serrer la ceinture, ça rapporte plus, ça a eu payé, ça paye plus, parce que les Américains ont trouvé un succès d'année à la térébenthine, donc qui est un sous-produit des pains de essence de pain, donc voilà. Et elle sent qu'au fur et à mesure où elle décrit sa situation financière déclinante, eh bien lui se détache complètement d'elle. Ouf, et là ça lui fait mais une souffrance terrible. Alors elle rit d'elle-même, hein, voilà, c'est ces gens qui ont trop mal pour me. On les voit souvent quand même. Ces gens qui ont trop mal pour se regarder avec compassion, ils préfèrent rire d'eux-mêmes. C'est pas de la compassion, je pense, ce rire. Bref, nier la souffrance plutôt, donc en rire. Bref, donc le cet homme, elle le sent dans la conversation, se détache, et là, pour réveiller son attention, à nouveau, pour l'intéresser, elle lui raconte son crime, ou sa tentative de crime. Et là, elle sent à nouveau un intérêt incroyable pour elle. Alors, elle a peur, elle se dit, mon Dieu, j'en ai trop dit, pourquoi? Bon, mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut contre moi? Est-ce qu'il veut me faire chanter? Ben non, il n'y a plus rien, le procès est fermé, etc. Et elle finit par comprendre. Lui, il a besoin de se débarrasser de quelqu'un enfin, qui pourrait le faire chanter, ou qui le fait légèrement chanter, je ne sais pas. Un homme, un vigneron d'ailleurs, qu'il faudrait empoisonner, et il a besoin de Thérèse pour ça. Et il la pousse à commettre un crime, en lui promettant qu'après, ils seraient tous les deux, que de toute façon, ils seraient inséparables parce que elle le tiendrait, il la tiendrait, que donc voilà. Fouf, l'horreur, quoi, l'horreur absolue finalement. Elle aime quelqu'un, et bon, elle découvre que soit c'est par intérêt, soit c'est vraiment la pitié absolue. Enfin bon. c'est quand même assez terrible. Et là, elle s'en plaint au psychiatre. Aidez-moi, docteur. Croyez-vous au mal incarné ? Parce qu'a priori, le Philly, là, il la laisse pas tranquille. Il insiste. Donc c'est atroce. On imagine, c'est atroce. Et là, on suit à nouveau la femme de Élisée, donc Catherine, qui est remontée dans sa chambre, toujours dans l'hésitation, qui a entendu une bonne partie de l'histoire, et qui entend un cri, qui entend son mari l'appeler en criant. Elle descend en courant, elle rentre dans la pièce, elle voit son mari accroupi derrière le bureau, Thérèse, dos au mur, la main dans son sac, et le mari demandant à sa femme de désarmer Thérèse. Et de faire attention aussi. C'est incroyable, hein. Dire que il met en danger sa femme pour se protéger, parce qu'il n'y a pas de raison. Thérèse pourrait aussi bien tuer. Bon. On apprendra après que Thérèse s'est énervée parce que il lui disait, mais c'est bien, vous avez dit ça, c'est déjà très bien pour aller mieux. Mais Thérèse, ça lui suffit pas. Elle veut de l'aide. Concrète, elle veut pas juste parler. Bon, et là, je crois que je vais lire d'ailleurs parce que c'est trop fin. Alors, la phrase du mari à sa femme quand elle rentre dans la pièce est déjà géniale. Ce n'est pas à toi qu'elle en veut. Tout de même, prends garde. Désarme-la vite, elle est armée. C'est très drôle quand même, ça. C'est très très drôle. Pour se dédouaner d'appeler sa femme, il dit mais non, mais c'est pas toi qu'elle en veut, donc je peux t'exposer au risque, hein, parce que c'est pas toi qui es en danger. Oh, il est quand même assez merveilleux. Hein. Ça, c'est vrai que c'est dans le genre. Elle regardait devant elle, donc ça c'est Thérèse. Catherine, sans hâte, lui saisit le poignet. La femme ne résista pas, laissa tomber son sac, serrant le poing sur quelque chose qui n'était pas un revolver. Le docteur s'était relevé, blême, et oubliait de cacher ses mains tremblantes appuyées sur le bureau. Catherine, tenant toujours le poignet de la femme, s'efforçait de lui desserrer les doigts. Enfin, un paquet, enveloppé de papier blanc, tomba sur le tapis. Eh oui. Donc un paquet enveloppé de papier blanc. On va comprendre après, hein, c'est effectivement un poison qu'elle a acheté chez le pharmacien. L'inconnu regardait Catherine, elle enleva sa toque et découvrit un front trop vaste, des cheveux coupés, pauvres et gras, déjà grisonnants. Ni poudre ni rouge n'apparaissait sur les joues creuses, sur ses lèvres ravalées, sur ses pommettes. La peau jaune tournait au marron sous les yeux. Bon voilà, on dépeint toujours ça, il aime bien ça, la décrépitude physique de Thérèse. Je sais pas, ça fait jouir Mauriac, il l'a fait dans La fin de la nuit aussi. Ah, il insiste. Alors, je sais pas pourquoi ça lui fait plaisir de dépeindre son héroïne comme ça. Surtout que c'est pas une femme qui a vécu par sa beauté, Thérèse, malgré tout, même si elle avait du charme. Enfin, c'est vrai que c'est... Oui, elle avait du charme, et que ce charme, c'est une arme, et qu'effectivement... Bon. Puis bon, je confère la fin de la nuit sur le fait d'enlever son chapeau pour se désarmer devant les gens. Elle ne fit aucun geste pour empêcher Catherine de ramasser le paquet et de déchiffrer ce qui était inscrit sur l'enveloppe, une simple étiquette de pharmacien. Mais nous, on a compris, c'est donc un... Ça veut dire que quand elle demande de l'aide au docteur, elle n'est pas loin de faire... l'acte, puisqu'elle a a priori, elle a l'arme du crime. Alors, est-ce qu'elle elle se l'est procurée elle-même, ou est-ce que c'est l'homme Philly, je crois, donc qui veut la transformer en criminel, qui lui a fourni l'arme? Ça, on ne sait pas. La femme ouvrit la porte, tenant toujours son chapeau dans le vestibule. Elle dit qu'elle avait un parapluie. Catherine lui demanda doucement, « Voulez-vous que je téléphone pour faire venir une voiture? Il pleut beaucoup. » Elle secoua sa petite tête, Catherine la précéda dans l'escalier, alluma la minuterie. Vous ne mettez pas votre chapeau ? Et comme elle n'obtenait aucune réponse, Catherine prit la toque et en coiffa elle-même l'inconnu. lui boutonna son manteau, releva le col de Chinchilla. Il aurait fallu lui sourire, mettre une main sur son épaule. Catherine la vit disparaître dans l'escalier. Elle hésita une seconde, puis rentra dans l'appartement. J'adore cette phrase. Il aurait fallu lui sourire, mettre une main sur son épaule. Point de suspension. Et il n'a pas terminé. Je trouve que c'est très beau de ne pas dire « Mais Catherine n'en avait pas envie parce que... » Ça, à chaque fois, on a droit à ça, en général. Enfin, c'est normal. Mais j'adore le conditionnel sans explication derrière. Il aurait fallu lui sourire, mettre une main sur son épaule. On sent que Catherine, elle est gentille avec elle, mais jusqu'à un certain point. Hein, c'est quand même... Elle n'avait pas la force d'en faire plus pour plein de raisons. Le docteur était debout au milieu de la pièce, les mains dans les poches. Il ne regardait pas Catherine. Alors là, c'est drôle. Parce qu'il avait les mains tremblantes après, quand elle a désarmé. Alors, il ne regardait pas Catherine. Et il lui parle. Tu avais raison. Une folle de la pire espèce. Hein, de la part d'un psychiatre, c'est pas mal quand même. Je trouve ça magnifique. En plus, un psychanalyste. Hein. Enfin, parce que certains psychiatres, étiquetés à l'époque, fou, pas fou, c'est pas choquant. D'ailleurs, c'est presque impossible, d'ailleurs, dans la bouche d'un psychiatre, normalement, d'entendre ça. Enfin, c'est presque une erreur de Mauriac d'avoir fait dire ça. Sauf un charlatan complet, mais a priori c'est un grand psychiatre, donc c'est pas possible, c'est pas cohérent. Enfin, pour montrer sa bassesse en tout cas. Tu avais raison, une folle de la pire espèce. Désormais, je serai prudent. Elle a faim d'avoir un revolver. Elle a mis sa main dans son sac, elle a faim. Elle a faim d'avoir un revolver. N'importe qui s'y serait trompé. Voilà. Le pauvre gars se justifie. Tu ne me demandes pas comment c'est arrivé ? Voilà, après m'avoir servi sa petite histoire, elle m'a sommé de la guérir. Sa phrase était « Sauvez-moi, docteur, il ne me laisse aucun répit. Je finirai par céder. C'est un être effroyable, et pourtant, il a l'aspect d'un enfant. Quelle est cette puissance qui envahit parfois ces êtres au visage d'ange ? Ils allaient encore en classe il y a si peu d'années. Croyez-vous aux démons, docteur ? Croyez-vous que le mal soit quelqu'un ? On est en 33. On est en 33. Croyez-vous que le mal soit quelqu'un ? Quelle belle question, quand même. Quelle belle question. Enfin, belle. Profonde, oui, dans le sens profonde. Je finirai par céder quand même, elle a réussi à le dire. Donc voilà, ça c'est cette supplique de Thérèse est transformée par le médecin en « Elle m'a sommé de la guérir ». Sa fureur a éclaté lorsque j'ai voulu lui montrer que c'était déjà beaucoup de lui avoir permis de dévider son écheveau. C'est quand même, on sent le mépris. Je l'ai fait parler, c'est déjà bien, hein, comme si c'était une difficulté pour Thérèse de parler. Elle avait bien une demande spécifique et c'était pas simplement de parler. Mais lui, du haut de ça. Ouais, c'était beaucoup de lui avoir permis de dévider son écheveau. Qu'elle y voyait plus clair maintenant. Qu'elle pourrait mener le jeu, obtenir de son type ce qu'elle attendait. Ce qu'elle en attendait, sans rien faire de ce qu'il exigeait d'elle. Tu ne l'as pas entendu crier ? Elle m'a traité de voleur. Vous faites semblant de vouloir guérir l'âme et vous ne croyez pas à l'âme. Psychiatre, ça signifie médecin de l'âme, et vous dites que l'âme n'existe pas. Enfin, tu connais l'ancienne. L'ancienne. Une tendance, alors là, c'est lui qui dit ça, et je crois que cela, c'est le pire du pire dans la bouche de Mauriac. Une tendance, donc là, c'est décousu, là, hein, mais tant pis. Donc c'est Élisée, donc Élie qui parle de Thérèse à sa femme. Et il finit par dire « Une tendance au plus bas mysticisme, en plus de ce qu'elle a déjà. » Alors ça, c'est pas anodin dans la bouche de Mauriac. Hein. Une tendance au plus bas mysticisme. Alors là, vraiment, alors là, quel... Oh, dans la bouche d'un croyant, enfin, dans la bouche écrite par un croyant, cette phrase-là, dans la bouche d'un homme, c'est vraiment pour insister sur l'erreur de l'homme. Hein. On lui met tous les défauts, dont celui de ne pas croire. De ne pas croire, et en face de quelqu'un qui croit, médecin de l'âme, hein, voilà. Elle voulait une aide concrète. Vous faites semblant de vouloir guérir l'âme, et vous ne croyez pas à l'âme. Est-ce que c'est pas le reproche... On pourrait y voir le reproche de Mauriac envers la psychanalyse, finalement. La psychanalyse... c'est comme tout, quoi. On peut en faire la... Bon, ça, c'est bien à cause de la religion. Elle a toujours... c'est comme sur la Terre est ronde. Si la Terre... Si les religieux disent qu'elle est plate, celui qui dit qu'elle est ronde... Eh ben, il peut mériter la haine des religieux, même si elle est ronde. Eh ben là, c'est pour Mauriac, un psychanalyste qui quelque part veut comprendre. Alors l'âme, ouais, peu importe le mot, mais effectivement, Thérèse l'attaque là-dessus parce que le psychanalyste, il parle pas d'âme. Il parle pas d'âme, il parle d'inconscient, de conscient, de moi, de ça, de surmoi, de... Mais en tout cas, pas d'âme. Et Thérèse, à beau jeu, lui parle du mécanisme du cerveau. Vous avez parlé, vous irez mieux. Vous avez compris. Et Thérèse, elle veut transcender sa difficulté. Elle veut d'une raison ne pas agir. Elle veut de la morale insufflée, presque, de la force morale pour résister. Donc effectivement, on n'est pas sur le même registre. Hein, ça, voilà. Et donc, d'ailleurs, je trouve pareil la critique d'Élie vers Thérèse, une tendance au plus bas mysticisme. Est-ce que parler d'âme, c'est vraiment du mysticisme? Sans doute qu'on peut faire un raccourci, mais je trouve que là aussi, on peut voir un léger hiatus. Je trouve que le raccourci est facile. Et le raccourci est d'autant plus facile qu'on sent l'auteur derrière qui veut faire dire une attaque, qui veut faire lancer une attaque contre la foi par un homme qui n'en a pas, pour décrédibiliser ce personnage. Et cette pensée, donc. Et il y a un petit écart, quand même, entre vous faites semblant de vouloir guérir l'âme et vous ne croyez pas en l'âme. Est-ce que ça permet de dire que alors le bas mysticisme, le bas l'adjectif on s'en fout, mais mysticisme, est-ce que c'est vraiment du mysticisme élevé ou bas, peu importe, je ne sais pas. C'est là, est-ce que la mystique, oui, sans doute que oui, mais je trouve que c'est un petit raccourci qui finalement fait briller légèrement le fil de la marionnette que tient Mauriac. Voilà, c'est plutôt ça. La métaphore que j'utiliserais, c'est qu'on voit le fil de la marionnette à un moment, là. Dans le saut que fait Élie entre ces deux phrases. Alors je termine quand même, parce que c'est magnifique. Pourquoi ris-tu, Catherine? Qu'est-ce que ça a de drôle? Il observait sa femme avec étonnement. Il ne lui avait jamais vu cette figure rayonnante de bonheur. Les deux bras pendants, ses mains un peu écartées de la robe, elle dit enfin « Il m'a fallu 20 années. Mais enfin, c'est fini. Je suis délivrée, Élise. Je ne t'aime plus. » Ah, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Je trouve que... fou, là, là. C'est marrant quand même. Mauriac qui reprocherait un anti-mysticisme de la part des psychanalystes et qui lui-même passe son temps finalement à en faire. Elle ne l'aime plus parce qu'elle a vu quelque chose, elle a tué. Elle le connaît assez bien pour ne plus l'aimer. Alors elle a vu assez sa bassesse. Qu'est-ce qui peut faire qu'elle ne l'aime plus? Plein de choses. Mais de nouveau, déjà, parce qu'elle avait déjà des raisons a priori, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Elle a découvert qu'il lui réservait sa haine à elle. Donc sans doute que c'est pire et c'est mieux. C'est pire parce que ça veut dire qu'il peut être autrement, et c'est mieux parce que bon, bah quelque part on a encore quelqu'un d'exceptionnel, mais enfin bon. Qu'est-ce qu'il a vu d'autre? Il a vu que Elle a vu que il était lâche, qu'il faisait son fier à bras, puis que finalement il préférait exposer sa femme au risque plutôt que lui-même. Ça c'est vrai que c'est pas. Voilà. Encore une vision un petit peu machiste, hein, sur les hommes, ça doit être courageux. On aurait compris ça d'une femme, mais pas d'un homme. Bon. Moi, je pense qu'il y a des gens plus ou moins forts, peu importe le sexe. Bref. Donc, elle a pu découvrir ça. Est-ce que c'est ça qui l'a affecté? On n'en sait rien. Est-ce que c'est tout simplement ces dernières phrases, quand il parle de Thérèse? Parce qu'elle est dans l'escalier, quand elle écoute Thérèse, elle pense que de toute façon, il ne pourra pas l'aider. Voilà, il ne pourra pas aider Thérèse. Et ça, elle a pitié de Thérèse. Elle se dit, mais il est incapable de la comprendre. Ben oui. Et ça, ça effectivement, quand ensuite, à la fin, elle l'entend critiquer Thérèse en disant que c'est une folle dangereuse, bon, peut-être qu'elle a pitié de lui sur le plan intellectuel. Elle se dit, mais finalement, le grand psy, il n'arrive même pas à comprendre sa patiente, il la comprend moins bien que moi. Il ne sait pas aider les gens. Il est pitoyable, quoi. En plus, il essaye de masquer sa peur en inventant des conneries. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et je crois que... Bon, je crois que Mauriac veut quand même insister, parce que quand même, ça tombe juste là, sur le fait que Thérèse a demandé quelque chose, qu'on parle à son âme, de sauver son âme. Elle voulait une sorte de prêtre. Elle voulait pas un psychanalyste. C'est vrai, peut-être. Mais bon, peu importe. Hein. Et là, sa femme se rendrait compte que vraiment, il n'est même pas à la hauteur professionnellement. Puis humainement, il est pitoyable. Il comprend pas la requête de Thérèse et pire que tout, il la juge d'une façon terrible. Bon. Sans qu'on connaisse les opinions de Catherine sur la foi, effectivement, mais... Bon, enfin, elle a plusieurs raisons, hein. Donc, comme j'ai dit, elle a quand même plusieurs raisons de ne plus aimer Ellie. Mais c'est un ensemble de choses, je dirais. On peut pas savoir avec certitude la cause. Voilà. Bon, enfin, on pourrait encore en parler longtemps. Donc, c'était quand même. Il est fort, ce Mauriac, je trouve. Surtout que là, c'est vrai, par petites touches, il a encore parlé de religion, mais de façon un petit peu partisane. Mais bon, c'est quand même un petit chef-d'œuvre, je trouve, de concision, et on rentre vite dans un monde, là, c'est quand même assez impressionnant. Donc, Thérèse, chez le docteur, alors à lire absolument après Thérèse Esquerou, et... Par rapport à la fin de la nuit, non, c'est pas nécessaire de le lire après. Mais quand même, c'est intéressant, parce que dans l'ordre chronologique, c'est ça. Donc on comprend mieux cette Thérèse, qui est quand même assez proche de la Thérèse de la fin de la nuit. Elle a plus toute sa tête, elle vieillit, elle a encore beaucoup souffert à cause des hommes. Après. D'ailleurs, là, il a pas réussi à en parler dans la fin de la nuit. Pendant plus de 200 pages, il n'a pas réussi à dire... Il y a peut-être une allusion à Azevedo, mais à peine. Et puis là, il en dit plus sur sa vie. Ouais, il a senti qu'il y avait un petit trou là dans la raquette. Bon. Donc, finalement, il a eu envie. Bon. Eh bien, il reste encore Thérèse. À l'hôtel, voilà. Ça va être chaud, ça, Thérèse à l'hôtel. Donc, au prochain résumé. Je voulais ajouter un petit addendum à mon résumé de Thérèse chez le docteur, de François Mauriac, parce que je viens de consulter Internet. Et j'ai vu une chose intéressante, c'est que donc le Thérèse chez le docteur est paru dans un journal d'extrême droite en 33. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant parce que c'était, j'avais senti de l'antisémitisme dans le texte de Mauriac. C'est pas le seul endroit d'ailleurs, hein, où on le sent, dans Thérèse aussi, on le sent, bon. Mais enfin, c'était assez net. Et décidément, bon, des gens très différents sans doute, mais Hergé, Mauriac, Louis Ferdinand Céline, ça fait beaucoup de... Alors, intellectuel... On pourra dire ce que, peu importe, je pense que c'est pas la question en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que on pourrait imaginer que au moins chez les intellectuels il y ait moins d'antisémitisme, c'est pas le cas. Manifestement, c'est pas le cas. Et ils sont très majoritaires. À l'époque, j'ai l'impression que franchement. Alors peut-être aussi que sans le savoir, bon, d'après ce que Hergé était très très très très à droite, bon, Céline c'est un peu compliqué, mais parce qu'il a aussi des on sent des tendances anarcho-sociales aussi, donc bon, c'est un peu compliqué, mais en attendant, peut-être qu'ils sont pas du tout représentatifs non plus. Enfin, en tout cas, le problème c'est que à regarder le monde de l'époque avec nos yeux d'aujourd'hui. On pourrait oublier qu'à l'époque, l'antisémitisme, ça n'est pas ce que c'est devenu. Et encore aujourd'hui, en 2009, il y a une sorte de résurgence de plus en plus. Enfin, il y a quelque chose, à cause d'Israël principalement, un État qui est devenu fou, une démocratie indigne, un peu comme les États-Unis. Mais bref, là je m'écarte un peu du sujet. Enfin, tout ça pour dire que il y aurait quand même une réflexion à mener sur les racines de l'antisémitisme. Pourquoi un antisémitisme ? Alors oui, je sais bien que cette question-là, souvent, on a l'impression qu'on peut même pas la poser, mais bon, moi je pense qu'elle est intéressante à poser. Il faudrait quand même se demander comment on a pu en arriver là. Ben oui, parce que on est en 33, comme par hasard, c'est quand même terrible cette date. Alors certes, c'est un événement mineur, la publication de Thérèse le Docteur, évidemment. Et puis l'antisémitisme de Mauriac est pas du tout, c'est pas foudroyant, hein, évidemment. Hein. Ça, j'en suis bien conscient. Il y a des petites bribes, voilà, on peut faire cette analyse et je l'ai senti et c'est vrai. Bon. Cela dit, quand une bribe comme ça, quand on sent quelques petites choses comme ça, qu'en disait Mauriac quand il parlait ? Est-ce qu'il n'était pas beaucoup plus violent, finalement ? On n'en sait rien. Et puis, c'est intéressant aussi, parce que Mitterrand n'était pas clair là-dessus, non plus, avant-guerre. Et là, c'est intéressant aussi, parce que finalement... Finalement, le parcours était assez proche. Alors Mauriac, lui, d'ailleurs Mauriac et Mitterrand ont été liés à une époque, ont eu des échanges en tout cas. Après, je ne sais pas de quel ordre, mais je connais pas assez bien la question. Mais d'ailleurs, justement, voilà. Alors Mauriac est devenu gaulliste et puis attaché au MRP, si j'ai bien compris après la guerre. Mais bon. Il y a eu un parcours quand même. Il a publié ça dans un journal d'extrême droite. Ça, c'est quand même assez fou. On peut pas imaginer. Il faut aussi imaginer. Ça donne une leçon d'histoire sur la. Sur l'extrême droite à l'époque. C'était pas du tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, l'extrême droite, c'est facile. Enfin, aujourd'hui, on voit Le Pen, on voit. C'est facile, quoi. Jörg Haider, etc. Et puis, on a derrière nous, on a le passé de l'extrême droite. Donc, on sait ce que c'est. Mais à l'époque, d'une part l'antisémitisme, l'extrême droite en général, c'est pas quelque chose d'aussi clair que maintenant. Voilà, maintenant on sait, c'est... D'ailleurs, souvent c'est plutôt des gens peu éduqués, pauvres, bon. À l'époque, c'était plutôt ces gens-là votaient plutôt à gauche, à l'extrême gauche. Alors que. On pouvait avoir des intellectuels, de grands intellectuels à droite. Et ça, c'est quand même assez intéressant, quand même. Enfin, intéressant dans le sens où, pour l'histoire des idées, l'histoire des mœurs, enfin, des mœurs, oui, un peu fort, mais disons, l'histoire des idées sur le plan politique, du racisme, etc. Quand même, c'est facile aujourd'hui de voir ça et de condamner, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à l'époque, il fallait être bien plus humaniste, bien plus malin que maintenant, pour en avoir une autre vision. Alors, je dis pas non plus que voilà, 90% des Français étaient antisémites à l'époque. Mais peut-être quand même beaucoup. Alors, est-ce que ça glorifie pas encore un peu plus le geste d'un Zola ? Je ne sais pas. Est-ce que ça n'explique pas aussi la... Enfin, si, bien sûr, ça explique, mais le sionisme qui est né fin 19e, d'après ce que je crois savoir, et puis qui s'est bien développé bien avant la Deuxième Guerre mondiale, avec des plans de nettoyage ethnique en Israël. Donc ça, c'est confère historiens israéliens eux-mêmes. Hein. Et donc... Ce sionisme-là, comment ne pas le comprendre finalement dans un contexte pareil où l'antisémitisme transpirait de même d'intellectuels, d'académiciens, c'est quand même choquant. Et si je vais plus loin, alors réfléchir aux causes de l'antisémitisme, bon, ça. Ça demanderait sans doute beaucoup de développement, parce que ce que je ferais ce serait sans doute assez basique. Mais en tout cas, si je vais plus loin, le sionisme étant une réaction à cette violence, on peut penser, c'est une hypothèse que je fais, mais je pense qu'elle est assez juste. Si le sionisme est une réaction à cette violence, ça explique quand même pas mal de choses. Ça explique la violence du sionisme. Alors, on le sait là, comme je l'ai dit, bon, nettoyage ethnique voulu, orchestré dès les années 20, bon, en Palestine. Donc c'est bien là, bon, dire qu'il y avait quand même une... Bon, à l'époque c'est pareil, à l'époque juger de ça, aujourd'hui c'est facile. À cette époque-là, la vie des Arabes, des indigènes, bon, ils s'en foutaient, mais complètement, évidemment, comme le reste de l'Occident, hein, ça, les Juifs n'étaient pas pires, pas meilleurs, hein, évidemment. Mais en tout cas, la violence de l'antisémitisme à l'époque peut expliquer la violence du sionisme, parce que c'est vrai que moi, je veux bien tout ce qu'on veut par rapport au sionisme, l'idée de se retrouver sur une terre, un livre saint, des écrits bibliques antédiluviens, enfin, c'est surréaliste, c'est complètement con. Excusez-moi, c'est mon point de vue, mais bon. À la limite, je comprends par contre l'envie de trouver une terre, un havre de paix. Alors pourquoi pas cette terre-là ? Évidemment. Justification biblique, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, vouloir un havre de paix et bon, entre juifs, pourquoi pas. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, un état juif, où finalement les Arabes qui sont en Israël sont de moins en moins bien tolérés, alors que eux n'y sont pour rien, dans ce qu'ils reçoivent de violence, c'est pas du tout les Arabes israéliens qui font grand chose a priori. Donc, enfin bon, ils sont peut-être, ils rendent des services peut-être, etc. Mais bon, bref. En tout cas, il y a une volonté de pureté religieuse qui quand même, qui est vraiment du même niveau que ce qu'ils ont subi en Espagne. Au cours des siècles, enfin, en Espagne entre autres, hein, mais l'obligation de se convertir, l'intolérance, etc. Donc finalement, ouais, violence, violence en retour. Il y a vraiment un cycle de la violence qui entretient la violence. C'est là que c'est tout simplement ça où je voulais en venir, c'est qu'il y a vraiment, il y a une filiation de violence, de haine, dont on hérite, et qui, si longtemps après l'Exodus, avec quelques politiciens affreusement coupables de déclencher des guerres pour gagner des élections, avec des politiciens de ce genre, qui entretiennent la flamme de la haine, et les bases du sionisme. Pas étonnant que ce soit si que le présent est encore chargé de violence. Pas étonnant. Bon, tout ça pour dire que Mauriac, oui, comme tant d'autres malheureusement, pas net dans les années 30. Et il faut que je creuse. Hein. J'aimerais bien. J'ai cru voir des interviews de lui. La télé, après-guerre, j'imagine que le sujet n'est pas abordé, mais ça mériterait quand même. Qu'est-ce qu'il en dit? Comment il voit son antisémitisme d'alors? Est-ce qu'il le nie comme un Raymond Barre pathétique? Est-ce qu'il le regrette? Est-ce qu'il l'admet? Est-ce qu'il le justifie? Quand même, à ces gens-là qui ont été antisémites en 33, je reviens à cette date parce que quand même, l'arrivée au pouvoir d'Hitler et l'antisémitisme, ils ont été antisémites en 33. Et quand ils ont su pour les l'Holocauste, qu'est-ce qu'ils ont pu dire? Qu'est-ce qu'ils ont pu penser? Se dire merde? Bah, j'imagine que c'est comme Mitterrand, comme tous ces gens-là, on se justifie, on avait, mais non, mais, oh, mais, j'ai pas vraiment, enfin voilà quoi, j'imagine que pour la plupart, on solde pas les comptes. Hein. Bon, c'est un peu pareil avec le stalinisme, hein, mais sauf que ça a été vraiment, comme quoi, oui, si on compare la rédemption des stalinistes, qui ont mis du temps pour beaucoup d'entre eux, donc à comprendre l'horreur du stalinisme, alors que d'une certaine manière, un certain humanisme, je dirais, peut conduire à croire, avoir foi dans le communisme. Et donc en Staline, ben oui, parce que bon. Alors que je vois pas quelle foi, quel humanisme peut conduire à être antisémite. Je vois pas. Or, pourtant, on a tapé sur ces imbéciles de gauchistes qui n'avaient pas compris que le stalinisme, voilà, était odieux. Bah oui, oui, oui, oui. Alors, jusqu'à quel point ils n'ont pas compris, jusqu'à quel point ils niaient les preuves, les faits de goulag, de massacre, de... Bon, ça, je ne sais pas. Bien sûr qu'il y a sans doute eu beaucoup de corruption morale pour en arriver là, de négationnisme, hein, une fois de plus, voilà. Il y a sans doute eu beaucoup. Seulement c'est pratique, parce que c'était les gauchistes qui étaient visés. Les Sartre, etc. Alors donc, bon, on avait besoin, parce que, ouais, on n'est quand même pas dans un état neutre, hein, qui combattait son ennemi. On est dans une après-guerre de guerre froide face à un empire communiste. Bon. Alors que l'antisémitisme, on a fait semblant de croire que c'était une histoire de nazis. Que c'est une histoire d'Hitler, que c'est une histoire d'Allemands. Bon, là, on élargit plus ou moins le spectre. Les Allemands, les nazis, Hitler, Goebbels. Voilà, on peut prendre quelques-uns, comme ça, on peut faire semblant. Mais quand on voit ça, on voit que c'est pas du tout le cas, quoi. Bon, certes, la flamme de l'antisémitisme a peut-être été un peu plus forte en Allemagne. Mais, bon, il y a eu des raisons économiques, surtout, etc. Donc, bref, on n'est pas passé loin. Et puis, on sait ben, que l'antisémitisme était très fort aussi en Pologne, etc. Donc, Mais ces gens-là, on leur a pas demandé de rendre des comptes, hein, pour leurs idées antisémites, pour leurs écrits antisémites. On leur a pas demandé de rendre des comptes, hein. Oh, on l'a vaguement mentionné, Mitterrand, il a été un peu emmerdé. Alors, heureusement, il avait Attali comme pote. Ouais. Alors, bon, voilà, pour certifier que, voilà, il est antisémite, bon, je crois que c'est la compagne de Céline qui était juive, bon, bah, pff. Bref, tout ça pour dire que ces gens-là, on leur a pas demandé de rendre des comptes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas des ennemis de la République. Il n'y avait pas de danger avec eux. On s'en fout complètement, dans les années 40, 50, 60, d'avoir des antisémites chez nous, d'avoir des penseurs, hein, qui ont été objectivement antisémites. On s'en moque. C'est ça la grande différence. Alors que les communistes, ils sont dangereux. Alors bon, certes aussi, c'est vrai que être stalinien dans les années 50, c'est dans les années 50, et c'est pas les années 20-30 de l'antisémitisme. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Cela dit, il faut toujours se demander quand même pourquoi on cible certains défauts et pas d'autres. Certains manques de lucidité des gauchistes et pas certains manques de lucidité des droitistes ou extrême-droitistes, voire mitterrandiens, passer de l'extrême droite à la gauche. On sait pas trop. Bref, voilà, c'était juste une digression politico-historique sur antisémitisme avant d'entre-deux-guerres. Voilà, avec un petit témoignage de Mauriac. Ah oui, c'est Charles Trenet aussi, oui, Trenet avec ses chansons, là, Java du Diable et les banquiers. Celui-là, il devait bien l'être aussi. C'était un de plus. Ils étaient si nombreux. Comment on a pu penser que ça pourrait pas mal se terminer un jour, avec autant de... Comme quoi, faut pas jouer avec la haine des gens. Hein. Voilà, bah c'est tout sur le petit addendum sur Thérèse chez le docteur.